de tout perdre. Pour toi, je prendrai 10 ans en ferme. Viva la la la la la. On va sauver. On va s'aimer. Pas à monnaie. Viva la la la la la. On va sauver. On va s'aimer. Pas à monnaie. La la la la la. Ce soir, il joue derrière les barreaux. La la la la. La vie de luxe, shopping à Milano. La la la. Viens n'aie pas peur, on va vesquer le mauvais oeil. Le commissaire, ils veulent vivre notre vie, on veut être millionnaire. T'es mis amour et ma complice, ma photo. Et si je béton, tu cacheras le butin. Tu recaleras les mythos, le héros des poutins. Toi et moi jusqu'à la mort du tiquita.